السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. La semaine passée, nous avons parlé de Ghazwat Hunayn, de l'expédition de Hunayn, ce qui a eu lieu après l'ouverture de la Mecque, quelques jours après l'ouverture de la Mecque. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca 19 jours après l'ouverture de la Mecque. Il y a une grande tribu qui s'appelle Hawazin. Avec leurs alliés qui se sont réunis proche de Hunayn. Et cela afin d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Et cette tribu était grande en nombre et avait la science du combat. Ils ont donc préparé un lourd armement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons leur sont venus, ils ont trouvé qu'il y avait une grande armée. Eux-mêmes, c'est-à-dire le prophète alayhi salat wa sallam et sahaba, étaient venus en grand nombre. Ils étaient 10 000, puis il y a eu 2 000 personnes qui se sont ajoutées à l'armée du prophète alayhi salat wa salam. Le chef chez l'ennemi était Malik ibn Auf. Malik ibn Auf est celui qui réunissait Hawazin et leurs alliés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un sahabi pour s'enquérir des informations. Ils sont arrivés à Hunayn, ont accompli la prière, et le lendemain, il y a eu donc cette bataille qui s'est composée de 2 volets. Dans un premier temps, lorsque les musulmans se sont avancés, Hawazin ont tendu un piège aux musulmans. Ils ont laissé une partie du butin, ont battu en retraite et ont préparé leurs flèches, leurs arcs et leurs lances. En effet, les compagnons se sont avancés pour prendre du butin et c'est alors qu'ils ont essuyé une pluie de flèches et de lances. Et beaucoup parmi les sahaba ont été touchés. Alors le combat fut difficile et certains ont battu en retraite jusqu'à fuir le combat. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le Coran, dans sourate At-Tawbah. Wa yawma Hunayn id a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum shay'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ceci fait référence à ce qui a eu lieu durant cette bataille, la bataille de Hunayn, dans sourate At-Tawbah, verset 25. Donc ça, c'était dans un premier temps. C'est que les musulmans ont été touchés par de nombreuses flèches et certains ont fui. Certains se sont sauvés et plus tard, comme on l'a vu, ils sont revenus. Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés et leur a accordé la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, comme nous l'avons mentionné, est resté ferme et s'est retrouvé esselé ou presque par moments. Mais il y avait avec lui son oncle, Al-Abbas, radiallahu anhu. Il y avait avec lui son cousin, Abu Sufyan, ou plutôt, Abu Sufyan, radiallahu anhuma. Et ces deux-là, ou plutôt son oncle, fait partie de ceux qui se sont convertis tard à l'islam, le jour de l'ouverture de la Mecque. Quoi qu'il en soit, par la suite, le prophète alayhi salam a dit à l'Abbas d'appeler les musulmans et de revenir et de reconstruire le bataillon ou bien l'armée. Puis il lui a ordonné d'appeler les différentes fractions parmi les musulmans, c'est-à-dire les Ansar à part, ceux qui avaient prêté allégeance sous l'arbre à part, Al-Muhajirin à part, et ainsi de suite. Et ils sont tous revenus et ils se sont resserrés autour du prophète alayhi salatu wassalam. Par la suite, ils ont avancé vers l'ennemi et il y a eu un très lourd combat. Et pour finir, le prophète alayhi salatu wassalam a pris de la terre. Naam, il a pris de la terre et il l'a jeté, ou plutôt il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu de lui donner de la terre, et il l'a jeté vers l'ennemi en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Et comme c'est rapporté dans le hadith, il n'y a pas un parmi les associateurs qui ait reçu, et en sans qu'il n'ait reçu de cela. Le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé alors que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala était proche et que la victoire allait leur être accordée. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. On avait également mentionné l'histoire de Dhat Anwaq, de l'arbre, le jujubier qu'avaient les associateurs, auquel ils suspendaient leurs armes, auprès duquel ils se recueillaient et faisaient l'i'tikaf, et que les compagnons, ou plutôt certains parmi les compagnons, les nouveaux convertis à l'islam, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit au prophète alayhi salat wa salam, Ya Rasulallah, ij'al lana dhat anwaq kama lahum dhat wa anwaq. Accorde-nous un arbre afin qu'on pratique la même chose tout comme ils ont cet arbre. Le prophète alayhi salat wa salam a dit Allahu akbar, inna sunan. Il a dit Allah est le plus grand, l'histoire se répète. Vous avez dit par celui qui tient mon âme dans sa main la même parole que Banu Israël à Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Accorde-nous une divinité tout comme ils ont une divinité. Ils ont donc délaissé Mada leur demande et n'ont pas fait cette pratique. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés de par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que lorsqu'il y a la présence des savants, na'am, le mal est repoussé et le shirk diminue. Mais lorsqu'il n'y a pas la présence des savants, le mal peut se propager et le shirk pareillement. Et cela nous rappelle l'histoire de la venue du shirk sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam. Il y avait 5 hommes pieux. Il y avait 5 hommes pieux, comme Allah Azza wa Jalla les a mentionnés dans Surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ces 5 personnes sont des personnes pieuses du peuple auquel a été envoyé Nuh. Ils sont décédés dans un court intervalle. Ça a été lourd pour ce peuple. Ils les ont donc représentés dans leurs assises. Et Shaitan leur est venu pour qu'ils les représentent. Et il leur a montré que c'était une bonne action, afin de se souvenir de leur piété et de leur dévotion. Mais ils ne les ont pas adorés en dehors d'Allah dans un premier temps. Plus tard, Shaitan est revenu à leurs descendants et leur a fait croire qu'ils les adoraient, parce qu'ils les ont représentés dans leurs assises. Et Shaitan est revenu. Quand est-ce que, lorsque la science a été oubliée, lorsque la science est partie. Naam, c'est à ce moment-là que Shaitan a trouvé une brèche et qu'il a pu les faire tomber dans le polythéisme. Ces derniers ont donc adoré ces 5 personnes pieuses. Après avoir exagéré sur eux, ils les ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fut la première fois que le polythéisme fut pratiqué sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah azza wa jal, de par sa science et sa sagesse, envoya le premier messager aux gens de la terre, Nuh alayhi salam, il leur est venu et les a invités à l'islam. Il leur est venu et les a appelés à délaisser le polythéisme. Et pendant 950 ans, il les a invités à l'islam. Mais comme Allah Azza wa Jalla nous le montre dans le Coran, très peu parmi eux ont cru en lui. Très peu parmi eux ont cru en lui. Tout ça pour dire que la science est primordiale pour la propagation et l'enseignement de cette religion et pour sa préservation, hein, et la préservation de ses adeptes. Ça n'est qu'avec la science que la personne connaît Allah. Ça n'est qu'avec la science que la personne connaît le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est qu'avec la science que la personne connaît l'islam et peut appliquer l'islam qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, en se préservant du polythéisme premièrement et en se préservant des innovations. Wallahu al-musta'an. À la kulli hal, le prophète alayhi salatu wa sallam a beaucoup invoqué afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le secours. Et comme nous l'avons mentionné, il a pris Mada de la poussière ou des petites pierres et a jeté cela en direction de l'ennemi. En invoquant Allah subhanahu wa ta'ala contre eux, et comme c'est mentionné dans le hadith d'Abdullah ibn Saoud, ils se sont au final sauvés. Parmi ceux qui se sont montrés les plus braves durant cette bataille, il y a eu Ali, le cousin du prophète alayhi salat wa salam, l'époux de Fatima, la fille du prophète alayhi salat wa salam, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Pareillement, Jabir ibn Abdillah, qui était à ses côtés durant le combat. Également, le cousin du prophète alayhi salat wa salam, Abu Sufyan ibn al-Harith. Et ce dernier, on l'avait mentionné lors de l'ouverture de la Mecque et sa conquête. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à l'islam. Et il fut pieux et droit, yani jusqu'à ce combat, après ce combat, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Il n'a cessé d'être aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam et de le secourir. Au final, Allah azza wa jal a aidé les croyants par la descente d'anges qui sont venus secourir les croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné dans le Coran. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Puis Allah fait descendre sa quiétude ou sa sérénité sur son messager et sur les croyants. Wa anzala junudan lam tarawha. Il a fait descendre une armée que vous ne voyez pas. Quelle est cette armée? Ce sont les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et ce fut une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire aux croyants. Quant aux associateurs, quelle fut leur réaction? Ils ont pris la fuite et ils se sont dispersés. La plupart d'entre eux se sont sauvés à Taif. La plupart d'entre eux se sont sauvés à Taif. Et à Taif, il y avait des forteresses. À Taif, il y avait des forteresses. D'autres se sont sauvés dans différents Aoudiyah, dans différentes vallées. D'autres se sont sauvés dans différentes vallées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de cela et a dit: In hazamu wa rabbi Muhammad. Ils ont perdu par le Seigneur de Muhammad. In hazamu wa rabbi al-Kaaba. Ils ont perdu et il a juré par le Seigneur de la Kaaba à deux reprises. Le fait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de jurer par le Seigneur des créatures ou d'une créature en particulier, ceci est permis et ça peut être recommandé dans certains cas. Quant au fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des pires péchés et ça rentre dans le shirk et ça rentre dans le polythéisme mineur à la base. Al-Halif, c'est le fait de mentionner celui que tu immensifies pour appuyer une chose. Naam, le fait de jurer, c'est le, ou plutôt jurer, c'est le fait de mentionner celui que tu considères énormément pour appuyer une information ou bien une chose. Et le musulman, il n'immensifie rien comme il immensifie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il ne jure que par lui. Il dit Wallah, ou bien Warabbil Kaaba, ou bien Warabbil Alamin, et ainsi de suite. Mais il jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui dirait, mais on trouve dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par certaines de ses créatures. Cela ne pose aucun problème, car la créature, elle, n'a pas le droit de jurer si ce n'est par Allah. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et ça montre l'importance de cette créature. Il a juré par Al-Shams, par Al-Duha, par Al-Layl, par Al-Asr. Tout cela nous montre l'importance du temps, car c'est ce dans quoi le serviteur agit. C'est ce dans quoi il fait les hasan, il prend les hasanat, ou ce dans quoi il peut prendre les péchés, ce dans quoi il peut se rapprocher d'Allah et se repentir, ou ce par quoi il peut perdre en commettant des péchés. Non. Donc Allah jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Quant au serviteur, lui, il n'a pas le droit de jurer si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, celui qui jure par un autre qu'Allah commet du polythéisme. Et dans le hadith, ne jurez pas par vos parents. Celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Naam. Et nombreux sont les ahadiths dans ce sens. Certains parmi les sahaba disaient même, la an ahlifa billah kadiban ahabbu ilay min an ahlifa bi ghayrillah sadiqan. Abdullah ibn Saoud ou bien d'autres parmi les sahaba disaient, de jurer par Allah, écoutez bien, de jurer par Allah en mentant m'est plus aimé que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Les savants expliquaient cette parole. Pourquoi? Parce que celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala en mentant, il aura uni entre une hasana et un péché. Naam. Entre une chose aimée chez Allah et le tawhid, et un péché, un grand péché qui est le kadhib, le mensonge. Quant à celui qui jure par un autre qu'Allah, en disant la vérité, il aura uni entre le pire des péchés, naam, et une qualité. Le pire des péchés, c'est le shirk. Et la qualité, c'est la véracité. Quant à celui d'avant, il aura la hasana du tawhid, avec un péché qui est un grand péché. Mais il sera en dessous du shirk. Et le shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc celui qui rencontre Allah Azza wa Jal sans shirk dans ses feuilles, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est très proche du paradis. Il est très proche du paradis tant qu'il n'a pas commis de shirk. Par contre, celui qui rencontre Allah Azza wa Jal avec du shirk, c'est le péché qu'Allah Azza wa Jal a décidé de ne pas pardonner. Et sahaba radiallahu anhu était très méticuleux sur ce chapitre-là, au point où il ne laissait pas les enfants jurer tout court, pour les éduquer à retenir leur langue. Naam, ne pas prendre l'habitude de jurer à tout va comme on peut entendre. Naam. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a juré par Allah Azza wa Jal et a remercié Allah tabaraka wa ta'ala pour cette victoire. Ils se sont donc sauvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pour les poursuivre certains parmi les sahaba avec une partie de l'armée. Et durant cette bataille, Hawazin a perdu de nombreux hommes, par centaines. Ils sont morts par centaines. « Dans le recueil de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, on trouve que le combat fut tellement lourd qu'après les hommes, certaines personnes parmi leurs descendants sont décédées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé certains compagnons pour cela. Car dans la guerre, en islam, tu n'as pas le droit de combattre celui qui ne combat pas. Tout comme tu n'as pas le droit de combattre la femme et l'enfant. Naam, contrairement à ce qu'on peut lire dans l'histoire, lorsqu'il y a des guerres, ou qu'on peut voir jusqu'au jour d'aujourd'hui, wallahu musta'an, les gens n'ont aucune pitié, que ce soit pour les femmes ou pour les enfants. Amma en islam, ceci est proscrit. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, les a blâmés. Et certains d'entre eux ont dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah pour Yani, comme excuse. Innama kanu min awladil mushrikin. Au messager d'Allah, mais ils faisaient partie de leurs enfants, des enfants des associateurs. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de leur répondre, Wa hal khiyarukum illa min awladil mushrikin. Il leur a dit, est-ce que les meilleurs d'entre vous ne sont, si ce n'est parmi les enfants des associateurs, ni Omar ibn Khattab radiallahu anhu, ses parents étaient associateurs, et beaucoup, et la plupart même parmi Sahaba radiallahu anhu, si ce n'est Abu Bakr radiallahu anhu, et une minorité parmi eux. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné une chose, c'est que tout enfant naît sur la fitra. Sur la fitra, la prédisposition à reconnaître la vérité une fois qu'elle lui sera présentée. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, ma min nasama illa wa yatuladu ala al-fitra. » Donc la personne, lorsqu'elle naît, elle naît sur le din, elle sahih, sur la vérité. Sur la prédisposition à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Puis ce sont ses parents qui vont le faire dévier vers une autre voie. Donc il est à retenir ici que Hawazin a perdu de nombreux hommes par centaines. On ne trouve pas de texte qui nous montre concrètement le nombre exact, mais on sait qu'il y en a eu beaucoup. Dans le recueil d'Abu Daoud rahimahullah ta'ala, on trouve que Abu Talha radiallahu anhu, juste lui a mis fin à 20 personnes parmi les mouchriki, juste lui. Donc ça montre qu'il y a eu beaucoup de décès. Le prophète alayhi salatu wassalam a énoncé une règle dans le combat. C'est la propriété au salab une fois l'acte prouvé. C'est-à-dire que si dans le combat la personne décède, il est permis à l'autre de prendre ses biens. Mais il lui faudra prouver cela. Alors Abu Talha a eu le droit à cela, tout comme d'autres compagnons. À titre d'exemple, Abu Qatada, un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que lorsqu'il y a eu le combat, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le secours aux croyants et il a trouvé il y avait un associateur sur un musulman qui était en train de le combattre et s'apprêtait à l'assassiner. Alors durant la guerre, il lui est venu de derrière, il l'a tapé de son épée. Il dit, jusqu'à ce que cet homme s'est saisi de moi, il l'a attrapé, il l'a resserré, il dit, au point d'avoir ressenti le souffle de la mort. Il l'a serré dans une étreinte telle, puis est décédé, il l'a relâché. Abu Qatada radiallahu dit, wajadtu minha riha al-maut. J'ai trouvé auprès de lui, lors de cette étreinte, le souffle de la mort. Puis il est décédé. Sur son retour, Abu Qatada radiallahu anhu dit, j'ai rencontré Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et on a mentionné que dans un premier temps, les musulmans avaient essuyé une pluie de flèches de la part de l'ennemi que certains avaient fui. Alors Abu Qatada radiallahu anhu, sur son retour, a vu Omar ibn Khattab et lui a dit, qu'arrive-t-il aux gens? Pourquoi est-ce qu'ils se sauvent? Alors Omar ibn Khattab a dit, hadha amrullah. C'est une chose qu'Allah azza wa jal a décrété ou un sens proche de cela. À la fin, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui prouve que c'est lui qui a mis fin au jour d'un tel ou un tel, falahu salabu. As-salab, c'est quoi? C'est ce que portait l'ennemi sur lui, comme le casque, comme le bouclier, comme l'épée, comme la monture qu'il avait. Naam. Alors Abu Qatada s'est souvenu de cette étape. Donc il a dit, qui est-ce qui témoigne pour moi? Il s'est levé une première fois et personne n'a répondu. Puis une seconde fois, puis une troisième fois. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam l'a remarqué et lui a dit, que t'arrive-t-il? Il a dit, je cherche une personne qui témoigne pour moi, puis lui raconter l'histoire. Alors un homme s'est levé et a dit, sadaqa Abu Qatada. Abu Qatada a dit la vérité au messager d'Allah. Wa salabuhu indi. Mais il a dit quoi? Il a dit, c'est moi qui ai ramassé tout cela. Vous avez compris? Donc c'est Abu Qatada qui a eu raison de cet homme, mais c'est un autre homme parmi les musulmans qui a ramassé, par exemple, son épée, son bouclier qui a pris son cheval et autres. Il a dit, wa salabuhu indi, fa amdihi ya Rasulallah. Il lui a dit, ya Rasulallah, permets-moi de les garder. Naam, permets-moi de les garder. Wa ardihi anni. Et rends-le satisfait, c'est-à-dire donne-lui, allez, dédommage-le. Donne-lui autre chose, comme ça moi je garde ce qui lui revient de droit à la base. Alors Abu Bakr, radiallahu anhu, s'est levé à jurer par Allah subhanahu wa ta'ala et a dit, La ya'midu ila asadin min usudillah, yuqatilu anillahi wa rasulihi fayu'tiyaka salaba. Abu Bakr s'est interposé, il a blâmé le compagnon et il a fait grandement les éloges de Abu Qatada. Il l'a appelé Asadun min Usudillah. Naam, un lion parmi les lions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ses éloges et a dit, comment ça? C'est lui qui fait cela et c'est toi qui repars avec les biens. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a agréé la parole de Abu Bakr. Et ici, il y a un grand mérite pour Abu Qatada, par les éloges d'Abu Bakr, en présence du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il y a aussi la grande valeur de Abu Bakr, du fait qu'il parle en présence du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, agrée les paroles de Abu Bakr. Et ça montre sa justice et sa science. Radiallahu anhu. Abu Qatada a pris ces biens-là et il dit, je les ai vendus. Ça m'a rapporté de l'argent, alors j'ai pu acheter un jardin, déjà parmi les jardins chez l'Ansar, un des jardins de Bani Salima. Naam, et il dit, ce fut mon premier bien. Naam, subhanallah. Il dit, ce fut mon premier bien. Ainsi, certains parmi les sahaba radiallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une grande place durant la bataille de Hunayn et la suite. Vous vous souvenez probablement de Abu Salama. Quand est-ce qu'on l'avait mentionné? Et quelle particularité il avait, radiallahu anhu? Naam. Il y a Abu Salama, ou plutôt Salamat ibn al-Aqwa. Salamat ibn al-Aqwa, quelle particularité avait-il? Non. Il courait très vite. Kanu sabiqu al-khayl. Il rattrapait des chevaux. Non. Il a couru une journée entière derrière l'ennemi jusqu'à ramener les biens qui avaient été volés à Al-Madina. Ala kulli hal. Lors de la bataille avec Hawazin, donc Hunayn, il dit, nous étions assis en train de manger. C'est alors qu'un homme est venu sur un chameau. Il l'a fait s'asseoir, l'a attaché, il est venu manger et il regarde. Il regardait ici et là. Alors ça a paru étrange à Salama. Et d'un coup l'âme s'est levé rapidement, il est monté sur son chameau et il a voulu se sauver. En réalité, c'était un espion. Alors un sahabi a sauté sur sa monture pour se lancer à sa poursuite. Et Abu Salama, lui aussi, s'est lancé à sa poursuite. Et subhanallah, il a dépassé le sahabi qui s'était lancé à sa poursuite sur sa monture. Puis il a réussi à attraper Al-Jamal, yani les rênes, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, du chameau. Et il l'a fait s'arrêter et yani abrakahu, il l'a fait se mettre au sol. Naam. Puis il a tué l'espion radiyallahu anhu. Par la suite, ils sont revenus et ils ont raconté cela au prophète alayhi salat wa salam. Le prophète alayhi salat wa salam a dit que Abu Salama lui revenait de droit tout yani les biens de cet homme. Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala a mentionné que malgré cette grande bataille, la bataille de Hunayn, il y a très peu parmi les sahaba qui sont décédés. Beaucoup ont été blessés certes, mais parmi ceux qui sont décédés, il y en a eu très peu. Parmi eux, Ayman ibn Ubayd al-Qurashi. Deuxièmement, Yazid ibn Zam'a. Donc Ayman ibn Ubayd al-Qurashi. Deuxièmement, Yazid ibn Zam'a. Troisièmement, Suraqa ibn al-Harith radiyallahu anhu. Et lui, il faisait partie des Ansar. Et finalement, Abu Amir al-Aslami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni le butin. Il a réuni les gens et les biens. Et il les a stockés dans un endroit qu'on appelle Al-Ji'rana. Il a réuni tout cela. Pourquoi? Car beaucoup d'entre eux s'étaient sauvés. Donc ils voulaient en finir avant de répartir le butin. Et il a laissé à la charge de tout cela Budayl ibn Warqa, un homme qui s'appelle Budayl radiallahu anhu. Cela nous amène à une autre bataille qu'on appelle Sariyatu Awtas. Une Sariya, comme on l'avait mentionné, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépêche une partie du bataillon et que lui ne participe pas à cela. Quel était le but? De rattraper les âmes qui avaient fui pour pas qu'ils se permettent de se réunir à nouveau pour venir attaquer les musulmans. Et cela était yani à moins de 200 km de Mecca. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu nous mentionne ce récit comme le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Quand est-ce qu'a eu lieu cette sariya? Elle a eu lieu également dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire tout de suite après Hunayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une partie du bataillon avec à leur tête Abu Amir. Qui est Abu Amir pour Abu Moussa? Quel est le lien entre Abu Amir et Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhuma? Naam. Ce sont deux kunya, Abu Moussa Al-Ash'ari, le célèbre sahabi du prophète alayhi salat wa salam, qui psalmodiait magnifiquement le Coran, na'am, et Abu Amir. Quant à Abu Amir, il se prénomme Ubayd. Na'am, il se prénomme Ubayd radiallahu anhu, et il décéda, ou il décédera, dans cette expédition. Na'am, le prophète alayhi salat wa salam l'avait mis à la tête de cette sariya, la sariya de Awtas. À la kulli hal, Ubayd ibn Sulaym, dont la kunya est Abu Amir, le prophète alayhi salat wa salam l'a mis à la tête de cela. Et retenez que c'est l'oncle de Abu Moussa al-Ash'ari. Retenez que c'est l'oncle de Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhuma. Ils ont donc pu rattraper les associateurs qui avaient pris la fuite après avoir combattu les croyants. Il y avait parmi eux, ceux qui se sont fait rattraper, un homme qui se prénomme Duraïd ibn Simma. Il avait plus de 100 ans. Certains ont dit 160 ou 140 ou bien 120 ou 130. Et le vieillard, il ne combat pas. Donc on ne lève pas l'épée sur lui. Si ce n'est que cet homme-là était un des cerveaux chez les associateurs. C'est lui qui orientait. C'est lui qui leur disait, faites comme ça, faites comme cela, ne faites pas comme cela. Donc, ils s'en sont pris à lui. Abu Amir, durant cette expédition, a été touché. Il a été touché par une flèche. Et lorsqu'on lui a retiré la flèche, ou lorsqu'il a retiré la flèche, il a eu une hémorragie. Alors il a dit à Abu Moussa, radiallahu anhu, transmet de ma part le salam au prophète, alayhi salat wa salam. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Parce que lorsqu'il a vu sa blessure, il s'est dit qu'il allait mourir des suites de cette blessure. Abu Moussa al-Ash'ari lui a dit, qui est-ce qui t'a fait ça? Et Abu Amir lui a montré un homme. Alors Abu Moussa al-Ash'ari s'est lancé à sa poursuite. Il a pris son arme, il s'est lancé à sa poursuite. Qu'a fait l'associateur? Il s'est sauvé. Na'am, il s'est sauvé. Abu Moussa a couru après lui et lui a dit, t'as pas honte? Na'am, allez, comme on dirait, t'es pas un homme. Et l'associateur prenait la fuite. Abu Moussa se lançait à sa poursuite et il l'appelait. Et il l'appelait, il se retournait, il se sauvait. Et à force de lui dire, t'es pas un homme, t'as pas honte, pourquoi est-ce que tu viens pas pour me défier? Il s'est arrêté. Il a rebroussé chemin pour se battre avec lui. Et Abu Moussa, radiallahu anhu, a pris le dessus. Puis il est revenu voir Abu Amir qui est encore en vie. Et il lui a dit, qu'Allah a mis fin au jour de ton ennemi. Il a dit à Abu Amir, Allah a mis fin au jour de ton ennemi. C'est-à-dire qu'il a eu raison de lui. Aïe Abu Moussa, radiallahu anhu. Par la suite, il est décédé. Et il a donné le commandement à Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Ils ont donc emporté cette bataille, puis ils sont revenus voir le prophète alayhi salat wa salam. J'ai oublié un point. Abu Amir avait dit à Abu Moussa, en plus de lui dire, transmets de ma part le salam au prophète alayhi salat wa salam, il lui a dit, et demande-lui d'invoquer le pardon d'Allah en ma faveur. Dis-lui de faire dua pour moi. Na'am. Donc, il lui a dit, akri. النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له استغفر لي. Lorsqu'Abu Moussa رضي الله عنه est revenu, il est parti voir le prophète عليه الصلاة والسلام, il l'a trouvé allongé et il a trouvé que sa couche avait marqué les flancs, bien le dos du prophète عليه الصلاة والسلام. Ça nous montre la modestie et le mode de vie qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a donc raconté l'histoire, il lui a transmis le salam de la part de Abu Amir et il lui a dit qu'il te demande de faire dua en sa faveur afin qu'Allah lui pardonne. Le prophète alayhi salatu wassalam est parti faire le wudu. Tawadda'a, il a fait le wudu, puis il a levé ses mains et il a dit, Allahumma ghafir li Ubayd Abi Amir. Abu Moussa nous dit, hatta ra'aytu ibtayhi. Yani, Sallam a levé ses mains de la sorte. Puis il a dit, oh Allah, pardonne à Ubayd, à Bi'amir. Abu Moussa qui raconte l'histoire dit, jusqu'à ce que j'ai vu la blancheur des aisselles du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a levé hautement les mains. Naam. Il a beaucoup levé les mains au point où Abu Moussa radiallahu anhu nous dit que j'ai vu un point tel que j'ai vu les aisselles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est donc une façon de faire dua, c'est de lever grandement les mains, yani hautement les mains, lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Abu Moussa a vu cela, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua pour Abu Amr, a demandé à Allah azza wa jal de lui pardonner ses péchés. Allahumma ghfir li Ubayd Abi Amir, Allahumma ja'alhu yawm al-qiyamah fawqa kathirin min khalqik min an-nas. Oh Allah, pardonne à Abu Ubayd, ou plutôt à Ubayd Abi Amir. Oh Allah, accorde-lui le jour de la résurrection d'être au-dessus de beaucoup parmi tes créatures, parmi les gens. Lorsqu'Abu Moussa al-Ash'ari a entendu ces belles invocations du prophète alayhi salatu wassalam en faveur de son oncle, il a saisi cette occasion. Et il a dit, Wali ya Rasulallah, astaghfir. Il lui a dit, pour moi aussi au message d'Allah, invoque Allah afin qu'il me pardonne. Allahu Akbar. Et Ani, lui, à la base, il est venu pour transmettre l'information. Quand il a entendu les du'as du prophète alayhi salatu wassalam, il a saisi cette occasion. Il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de faire du'a pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma ghfir. Taïb, avant ça, une question. Abu Moussa al-Ash'ari, Abu Moussa al-Sakunia, quel était son prénom? Naam. On entend souvent Sakunia, mais quel était son prénom? Taïb, un indice. C'est le prénom le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abdullah. Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais radiallahu an. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté, j'ai posé la question à ce moment-là? Car à la suite, il a fait dua, il a dit Allah maghfir li Abdullah ibn Qais. Oh Allah, pardonne à Abdullah ibn Qais dhanbahu wa adkhilhu yawm al-qiyama mudkhalan karima. Oh Allah, pardonne à Abdullah ibn Qais ses péchés et fais-le entrer le jour de la résurrection dans une noble place. Accorde-lui une noble place le jour de la résurrection. Il fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qu'un tel ne réussisse pas à prendre la fuite. C'était un homme qui avait fait beaucoup de mal. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à un compagnon, a dit aux compagnons qu'un tel ne vous échappe pas. Ils ont donc réussi à s'emparer de lui. Et il y avait avec lui une femme. Ils ont été faits prisonniers, ils ont été ramenés au prophète alayhi salatu wassalam. Mais en chemin, cette femme a dit, ne savez-vous pas par Allah que je suis la sœur de lait de votre homme, de votre ami, de votre compagnon? Qui était cette femme? Al-Shayma. Qui était Shayma? On l'a étudié au début de la sirah, n'est-ce pas? Et par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, on arrive à la fin de la sirah, subhanallah. Quand est-ce qu'on a commencé ces cours? Qui se souvient? Vous n'étiez pas la date des premiers cours et l'année? L'an dernier? Allez, ça fait combien de temps? Afin qu'on ressente le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur nous. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Ces assises, elles n'ont lieu que par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Ces assises-là, elles n'ont lieu que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait pas pu s'asseoir à deux pour étudier la sirah du prophète alayhi salatu wassalam. Na'am. Et qu'il y ait une personne dans le dars, ou qu'il y ait une centaine de personnes dans le dars, ce ilm-là, ashraful ulum. Cette science est la science la plus noble après la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu étudies la vie du meilleur des hommes. Tu apprends à connaître celui qui t'a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, celui dont la connaissance, ou bien dont l'entrée au paradis, la réussite dans ce bas monde et l'au-delà, est rattachée à sa connaissance et son suivi. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. À la kulli hal, au début des cours, on a vu un des premiers points que le prophète alayhi salatu wassalam a été allaité par plusieurs femmes, n'est-ce pas? On a mentionné Thuwayba. Qui était Thuwayba, Yanis? La servante d'Abu Lahab. T'es rapide, Allah mabarak. Donc, comme si tu avais préparé cette question, comme si on était de mèche, comme si je t'avais informé avant le cours. Mais tu confirmes que c'est faux. Barakallahu fik. Donc, Thuwayba, comme nous enseigne notre petit frère, c'est la servante d'Abu Lahab. Elle a allaité le prophète, alayhi salatu wassalam. Avec lui, Hamza et Abu Salam. Et on a mentionné la plus célèbre de celles qui ont allaité le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était Halimatu al-Sa'diyya de Bani Sa'd. Parmi les enfants de Halima, il y a cette femme-là qui s'appelle Ash-Shayma. C'est un prénom connu. Il dit Shayma, n'est-ce pas? Le prénom c'est Ash-Shayma. C'est le prénom de la fille de Halima. C'est donc le prénom de la sœur de lait de qui? De notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ash-Shayma a dit aux sahaba, je suis par Allah la sœur de votre compagnie. Non. Ils ne l'ont pas cru. Lorsqu'ils sont arrivés auprès du prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont raconté l'histoire. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, quelle est la preuve de cela? Allez, comment savoir que tu es véridique? Et Ash-Shayma a dit, Allah, une morsure que tu m'as faite au dos quand on était petit. Naam. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est souvenu. Naam. Comme les enfants s'amusent. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est souvenu et il l'a fait s'asseoir et il l'a honoré et il lui a donné le choix. Il lui a dit, si tu veux, tu restes ici et tu seras honoré. Naam. Et si tu veux, tu retournes à Mada dans ta ville et tu seras accompagné, préservé. Elle a choisi de retourner d'où elle venait et il l'a envoyé avec un servant et une servante. Naam. Donc cette histoire est mentionnée dans les livres de Sira. Quant à la chaîne de transmission, elle est faible. L'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné. Les associateurs ont réussi à atteindre, une partie d'entre eux, à atteindre Al-Ta'if. C'est une ville connue. Al-Ta'if. Et il y avait, comme on l'a mentionné, un husn, une forteresse. Et ils avaient prévu de la nourriture pour un an. Ils avaient prévu des provisions pour pouvoir s'enfermer sans sortir. Sans avoir la nécessité, le besoin de sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc arrivé avec les compagnons à Taif, et ça nous amène au troisième volet de l'histoire de Hunayn. C'est Razwatu Taif. Elle a eu lieu également dans le mois de Shawwal. C'est la continuité de Hunayn. Tout ce qu'on mentionne, c'est la continuité de Hunayn. Ensuite Al-Tas, et ensuite ici Razwatu Al-Ta'if. On trouve dans les livres de Sira également Hisar al-Ta'if. Comment est-ce qu'on va dire en français le Hisar? Le blocus ou bien l'embargo de Ta'if. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et avant lui Malik ibn Awf avec l'ennemi est arrivé à Ta'if et ils se sont enfermés dans la forteresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers eux dans le mois de Shawwal. Donc la même année, le même mois, en l'an 8, durant le mois de Shawwal. L'imam Bukhari a intitulé un chapitre de son livre de la sorte. Ils sont donc rentrés dans leur forteresse, se sont préparés pour le combat. Ils se sont préparés pour le combat. Et les musulmans les ont entourés. Mais ces gens-là ont pu viser de leurs flèches les musulmans. Il y a donc eu beaucoup de blessés. Parce qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir la forteresse. Combien de temps a duré ce hissar? Combien de temps a duré ce blocus ou cet embargo? Dans le recueil de l'imam muslim, on trouve 40 jours. Mais l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit que c'est une, ce qu'on pourrait appeler une illusion, c'est-à-dire une erreur d'appréciation du rapporteur du hadith. La chaîne de transmission, elle est authentique. Mais l'humain, par définition, il est sujet à l'erreur, n'est-ce pas? Et il dit, Ibn Kathir dit, probablement dans le Bidaya wa Nihaya, que dans ce hadith, il y a plusieurs illusions. Par exemple, dans ce hadith, on nous dit qu'ils étaient 6000. Or, qu'en réalité, ils étaient combien? À la base, ils étaient 10 000. Puis, il y a eu 2000 qui se sont alliés à eux, ils sont donc 12 000. D'accord? Ça, c'est la première chose que les savants mentionnent. La deuxième chose, c'est cela. C'est qu'ils disent, ça n'a pas duré 40 jours. Ça n'a pas duré 40 jours, mais bien moins. Une dizaine de jours. Ça a duré une dizaine de jours. Pourquoi? Parce que les calculs ne correspondent pas. Les calculs ne correspondent pas à 40 jours. Pourquoi? Il faut prendre trois éléments en considération. Le premier, c'est que les historiens sont tous d'accord pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Hunayn, il a laissé les biens al-di'arana. Avant de partager ces biens-là, il est parti à Taif. Il y a eu le blocus. Puis il est revenu à al-di'arana et il a partagé le butin. De al-di'arana, ensuite il est parti faire quoi? Qui sait? C'est un moment historique ça. Il est parti faire la Umrah. C'est une des Umar du prophète alayhi salatu wassalam. Après Ghazwat Hunayn, après l'Awtas, après Taif, il y a eu le partage des richesses. Et après le partage de l'Ghanima, le prophète alayhi salatu wassalam s'est retrouvé dans le mois, quel mois? De Dhul-Qi'dah. Il s'est retrouvé dans le mois, plus dans le mois de Shawwal, mais après, dans le mois de Dhul-Qi'dah. Et dans ce mois-là, il a fait la Umrah. Quant à sa sortie pour Hunayn, c'était au début de Shawwal. Yani 10 jours environ. Et il est resté une dizaine de jours. Si le hissar, si le blocus ou l'embargo avait duré 40 jours, ça aurait dépassé tout ça. Ajoutez à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Al-Madinah après tout cela dans le mois de Dhul-Qi'dah. Donc le calcul ne correspond pas. Le blocus a donc eu lieu, sans aucun doute, mais il n'a pas duré 40 jours. Il a duré une dizaine de jours. Et ça, c'est ce qu'a retenu comme avis prépondérant. Et on a fait un avis prépondérant, Ibn Kathir, et d'autres parmi les savants, et beaucoup parmi Ahlu As-Siyar. Donc on retient qu'il est resté une dizaine de jours. Dans ce blocus. Il fut dit que pour tenter d'ouvrir la forteresse, ils ont utilisé Al-Manjaniq. Al-Manjaniq, comment est-ce qu'on va dire en français les catapultes? Comment est-ce qu'on dit? Yani lorsque tu... c'est un outil, lorsque tu ne peux pas atteindre de près, plutôt de loin, la chose, l'ennemi, tu le construis, tu mets une boule par exemple, et tu catapultes na'am, la boule ou autre, pour tenter de toucher les positions de l'ennemi. Donc il fut dit que le prophète alayhi salatu wassalam, lors du hisar de Taif, a utilisé al-manjaniq. Mais cela n'a pas été mentionné de sources authentiques. C'est donc va'if. Na'am, c'est donc va'if. Il y a un texte qui est mursal, il y a un autre qui est marfou', mais il est va'if. On trouve également dans le recueil d'Abu Daoud, rahimahullah, ta'ala. Donc cela n'est pas authentique. L'imam al-Awza'i a demandé à son cheikh Yahya ibn Abi Kathir, qui est un muhaddith, un grand savant, il lui a dit: est-ce vrai que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisé al-manjaniq? Il lui a dit: ceci n'est pas authentique. Il lui a dit: ceci n'est pas authentique. Yahya ibn Abi Kathir a une parole dans le recueil de l'imam Muslim. Quelle est cette parole? Et elle est dans le recueil de l'imam Muslim après la mention des textes sur les heures de salat. Qui connaît cette parole et qui connaît la sagesse de la mention de cette parole de Yahya ibn Kathir, qui est un des plus prédécesseurs, un grand savant du hadith, qui a été mentionné dans son livre par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Mais en apparence, la parole de Yahya ibn Abi Kathir n'a pas de lien avec le chapitre. Et c'est l'imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, qui a agencé le livre Sahih Muslim. Sahih Muslim, c'est l'œuvre de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, n'est-ce pas? Mais l'ordre et les chapitres et les sous-chapitres, sachez que ce n'est pas l'imam Muslim qui a fait ça. C'est l'imam al-Nawawi. C'est l'imam al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf al-Din, al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, l'auteur d'Arab' al-Nawawiyya, Riyad Salihin, Majmou' et autres. Na'am. Donc, quelle est la parole de Yahya ibn Abi Kathir? C'est une grande leçon pour nous tous. Talabat al-ilm. Il dit, rahimahullahu ta'ala, là, écrivez cette parole. Rahimanillah wa iyyakum. Et retenez-la. La yustata'u al-ilm bi rahatil jism. La yustata'u al-ilm bi rahatil jasad. Que veut dire cela? On ne peut atteindre la science avec le repos du corps. Allahu Akbar. Tu veux la science? Tu ne peux pas te reposer, être à l'aise, être toujours dans le bien et obtenir la science. Ça ne va pas ensemble, il faut te fatiguer. Il faut lire, il faut étudier, il faut faire des efforts, il faut se déplacer, il faut voyager, il faut demander, il faut patienter, il faut être humble, il faut se rabaisser, il faut supporter si tu veux la science. Yahya ibn Abi Kathir a dit: la yustata'u al-ilm bi rahatil jasad, bi rahatil jism. Personne ne pourra obtenir la science avec le repos du corps. Et qu'il faut faire énormément d'efforts. L'imam Muslim a rapporté les hadiths et a réuni les versions sur les heures de salawat. Et il s'est énormément fatigué pour rajouter telle version et telle version et telle version et telle version. Quand il a fini ce lourd travail, il était fatigué. Et il a mis la parole de Yahya ibn Abi Kathir. Il a dit: la yustata'u al-ilm bi rahati al-jism, bi rahati al-jasad, rahimahullah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons ont combattu de devant la forteresse. Et ceux qui s'y trouvaient à l'intérieur leur lançaient ou bien les visaient de leurs flèches. Alors beaucoup parmi les compagnons radiallahu anhum ont été touchés par ces flèches. Beaucoup parmi les compagnons ont été touchés par ces flèches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les sahaba, comme on le trouve dans le recueil d'Abi Daoud, rahimahullahu ta'ala, dans le hadith d'Abi Najih. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient autour de la forteresse, il a dit « Man balagha bi sahmin fi sabilillahi falahu daraja, falahu darajatun fil jannah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui réussit à les viser de par sa flèche aura un degré au paradis. » Abu Najih radiallahu anhu nous dit que ce jour-là, j'ai réussi à les toucher d'une dizaine de flèches. Et le prophète alayhi salatu wassalam continuait à les encourager, si ce n'est que les flèches des ennemis les touchaient et que leurs flèches ne les touchaient que très peu. Le prophète alayhi salatu wassalam a appelé ceux qui se trouvaient dans la forteresse. Il a fait dire à un parmi les compagnons, donc le prophète sallam a dit une parole en sahabi, et ce sahabi fut le messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, tout serviteur ou tout servant qui sortira de la forteresse et qui viendra à nous, naam, il deviendra libre. Il sera libre. Alors, une vingtaine, il cite 23 personnes, sont descendues de la forteresse. Et un des plus célèbres d'entre eux, c'est Abu Bakr, le célèbre sahabi radiallahu anhu. Abu Bakr. Abu Bakr, c'est sa kunya. Son prénom, c'est Nufay'a. Nufay'a. Par la suite, il s'est converti à l'islam. Et celui qui fuit l'ennemi, en étant servant, puis il atteint les musulmans, il devient libre. C'est pour ça qu'après cette bataille, les gens sont venus réclamer Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a refusé cela. Il a dit wa taliqullah wa taliqu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la franchise d'Allah et la franchise de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de cela, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite comme information que celui qui fuit l'ennemi, il devient libre. Si auparavant il était madha firriq. Donc le combat a été très lourd et 12 personnes sont décédées parmi les croyants. Il y a eu 7 personnes parmi Quraysh, 4 parmi les Ansar et un homme en plus. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Omar nous décrit la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons lorsqu'il a vu la situation, qu'ils étaient touchés par les flèches, qu'ils étaient blessés, qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir la forteresse. Il a dit aux compagnons, Narji'u ghadan, insha'Allah. C'est-à-dire, venez, on se replie, on revient sur nos positions et on reviendra demain, insha'Allah. Les compagnons n'ont pas été satisfaits de cela. Et quand ça n'était pas de la révélation, Naam, le prophète sallam leur laissait le choix ou bien ils discutaient, ils se consultaient. Ils l'ont dit, non, au messager d'Allah, on est là. On part pas tant qu'on n'a pas ouvert la forteresse. Naam. Mais ils recevaient des flèches et eux n'arrivaient pas à les toucher. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Narji'u ghadan insha'Allah ta'ala. Et là, tout le monde a observé le silence. Alors le prophète sallam arrive. Pourquoi il arrive? Parce que avant, il leur a dit on revient. Naam, on revient demain. La situation est telle, c'est très difficile, il y a beaucoup de blessés. Venons, on part et on revient demain. Ils ont dit non, on part pas tant qu'on n'a pas ouvert la forteresse. Et par la suite, ça a été encore plus dur, il y a encore plus de blessés. Le prophète sallam leur a dit on part et on revient demain. Et là, il y a eu le silence total. Naam, alors le prophète sallam, ça l'a fait rire. Puis ils sont repartis. Et il y a une grande sagesse dans le fait que Taif ne soit pas ouverte. Pourquoi? Parce que s'ils avaient ouvert la forteresse, ils auraient tué les gens. Ils ne seraient pas entrés en islam. Est-ce que vous vous souvenez au début de la Sira, lorsque Abu Talib est décédé, que le prophète est parti à Taif, leur présenter l'islam, comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? Ils ont accepté ou ils ont refusé l'islam? Ils l'ont agressé. Ils lui ont jeté des pierres. Rassam est reparti. Et en chemin, Jibril alayhi salam lui est venu avec l'ange des montagnes. Qu'est-ce qu'il lui a proposé? Il lui a dit qu'Allah te passe le salam. Et il y a avec moi l'ange des montagnes. Et si tu veux, il extermine ce peuple. Entre, yani, ce peuple. Prophète l'a accepté ou pas? Kana rahiman. Prophète il était miséricordieux, il voulait le bien pour tout le monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ce qu'ils lui ont fait. Malgré ce qu'ils lui ont fait, il a dit non. Mais j'espère en Allah qu'il fera sortir de leur descendance des gens qui vont adorer Allah seul, sans jamais rien lui associer. Qui allait être ces gens-là si eux, yani, combattaient Taïf et la forteresse s'ouvrait? Donc ça, c'est une grande sagesse qui a fait que l'ouverture de Taïf a été repoussée et qu'ils n'ont pas pu réussir, ils n'ont pas réussi à ouvrir cette forteresse afin que se concrétise cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc eu beaucoup de blessés et ils sont revenus. Plus tard, l'année suivante à Ramadan, Allah Azza wa Jalla a guidé Taïf à l'islam. Et ils sont venus, ils ont embrassé l'islam. Ils sont venus et ils ont embrassé l'islam. Walillahi alhamd wal minna walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui par la grâce duquel se concrétisent les bonnes actions. Lorsque les sahabas ont été blessés de la sorte, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit: Ya Rasulallah, ud'u ala ta'if. Au messager d'Allah, fais du'a contre Taïf. Vous savez ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit Allahumma hdi Taïf ila l'islam. Il n'a pas fait du'a contre eux. Il a fait du'a pour eux. Il a dit Ya Allah, fais venir Taïf à l'islam. Ya Allah, guide Taïf à l'islam. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés l'année suivante. Ils sont venus et ils se sont convertis à l'islam. Pour conclure, on voit ici le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec ses ennemis. Ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec ses ennemis. Il fait du'a pour qu'Allah les guide. Si ça, c'est son comportement avec ses ennemis, comment est-ce que nous, on doit être entre nous? Comment est-ce que nous, on doit être entre nous, à la mosquée, en dehors de la mosquée? Si ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec ceux qui l'ont agressé, avec ceux qui ont essayé de le tuer, il demande à Allah de les guider à l'islam. Nous, on doit être sur ce chemin-là. Et on doit être entre nous, comme Allah décrit dans le Coran. On doit avoir de la pitié, de la miséricorde entre nous. Mais pour ce faire, il faut connaître Allah Azza wa Jal. Il faut connaître la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut connaître c'est quoi cet islam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين